Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, les palmarès Ifou présentent C'était fou en 2012. Bonjour et bienvenue à C'était fou en 2012, une édition spéciale des Palmarès C'est fou. Je m'appelle Mathieu Plante. Alexandra Carignan s'en vient dans quelques minutes à peine. Elle va passer tout le long de l'émission avec nous tout à l'heure. Donc, dans cette émission spéciale, ce qu'on fait, c'est la rétrospective de l'année. On va donc vous présenter un paquet d'artistes les plus adorés par les animateurs et les auditeurs de C'est fou. Entre autres, là-dedans, on va avoir du trio Marie-Pierre Arthur, Fanny Bloom, Marc Derry, Tremblay, Dumas, Salomé Leclerc, Metric, Whitehorse, Half Moon Run, Wilco, The Mars Volta, Yukon Blonde, Diamond Rings et un paquet d'autres. C'est ce qui s'en vient au cours des trois prochaines heures dans cette édition de C'était fou en 2012. On va débuter par le commencement, par le fond. Presque. En fait, on sort les positions 25 à 21 dans cette émission. On va commencer avec les 20e places du côté anglophone. On aura Fred avec If Not Now, When sur l'album Leaving My Empire qui a été numéro 1 la semaine du 25 juin au... numéro 3. Ça s'est pas rendu jusqu'au numéro 1. La semaine du 25 juin au 8 juillet. Mais on va débuter en 20e position francophone avec Galaxy qui a atteint la 2e pendant 2 semaines, celle du 17 au 23 septembre et du 24 au 30 septembre. Donc Galaxy jusqu'à la fin tout de suite. C'était fou en 2012. Rien de vraiment trop honte pour ce qui se passe en dehors. Mon cœur part, mais mon corps reste et ma tête s'évapore. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'oublie le lendemain. Reste avec moi jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'oublie le lendemain. Avec tous ces amours qui passent et qui meurent, qui nous marquent et nous blessent. Et tous ces orages qu'on tient dans nos mains, qui éclatent et se brisent. Le futur nous mène et en même temps nos souvenirs s'éloignent. Même si on se perd trop souvent, nos histoires nous accompagnent. Reste avec moi, je t'en. Reste avec moi jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'oublie le lendemain. Reste avec moi jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'oublie le lendemain. Avec tous ces amours qui passent et qui meurent, qui nous marquent et nous blessent. Et tous ces orages qu'on tient dans nos mains, qui éclatent et se brisent. Numéro 20. We'll be right back. Your life. Hot Panda et la pièce Language en 19e position sur l'album Go Outside. Ça atteint la position numéro 3 du 17 au 23 septembre et du 24 au 30 septembre. Avant ça, en 19e franco, on a entendu Galaxy avec... Pardon. On a sauté par-dessus Chinatown avec Vivre les pieds nus. Ça atteint le numéro 1 la semaine du 8 au 14 octobre. Avant ça, en 19e place... 20e place anglophone, c'est tellement mal. 20e position anglophone, Fred avec If Not Now When sur l'album Leaving My Empire qui a été numéro 3 cet été en juin. Et on a débuté le tout avec Galaxy. Et jusqu'à la fin, qui atteint numéro 2, les semaines du 17 et du 24 septembre. Voilà. Plus on va avancer, moins ça va être mêlant, vous allez voir. On écoute les positions 18 et 17 maintenant. Par contre, on va sauter par-dessus Diamond Rings. On va entendre plus tard dans le bloc You Can Blonde. Et on a créé un monstre, mais on débute avec la 18e place franco. Voici avec Podcast et Talent qui a atteint le numéro 1 la semaine du 26 mars au 1er avril. Avec Podcast. Avec Podcast, Talent. Tout de suite. C'était fou en 2012. Un condensé de la meilleure musique de l'année. Come on! C'est écœurant. Hein? Non? Oui. On me dit que oui. On me confirme. Oui. C'est peut-être un hasard. Tremblant, les Stairway, position numéro 17, ça atteint le numéro 1, ça, la semaine du 28 mai au 10 juin, sur l'album Tiger Talk. Avant, en francophone, c'était On a créé un monstre, c'est 5.0, qui atteint le numéro 1 la semaine du 6 février, sur l'album L'Iceberg. On a entendu aussi les 18e places, par contre, on a sauté par-dessus Diamond Rings, I'm Just Me, qui a été numéro 1 la semaine du 10 décembre. Et on a débuté avec Podcast et Talent, qui était numéro 1 le 26 mars. Voilà. On y va avec les positions 16, c'est exact. Par contre, on saute par-dessus Peter avec les Chemins étoilés, qui était numéro 1 très récemment, la semaine du 15 octobre. Donc, c'est bien normal, quand on saute, on choisit quelque chose de récent. On s'en va entendre à la 16e place anglophone. Voici Grimes avec Oblivion. C'était fou en 2012. Now the walk above, after dark, is really blue in the view. êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89.1. Numéro 15. Avec Build, Destroy, Rebuild qui a atteint le numéro 1 la semaine du 23 janvier. C'est en 15e position de l'année. Avant ça, on a entendu Audionaut avec Métropole qui a atteint la position numéro 1 la semaine du 25 juin sur l'album Le Meilleur des Mondes. C'est un groupe local. En 16e place, avant ça, on a entendu Grimes avec Oblivion qui a atteint le numéro 1 la semaine du 23 avril. Et on a sauté par-dessus Peter, Les Chemins Étoilés sur l'album Une version améliorée de la tristesse. Ça a été numéro 1 très récemment la semaine du 15 octobre. Donc, c'est la raison qu'on saute. Tout à l'heure, on aura Fanny Bloom et The Mars Volta. Mais, et beaucoup plus, évidemment. Mais avant ça, on retourne en arrière pour écouter les meilleurs moments de la dernière semaine de la saison d'Assemblage Requis. Voici un instant classique. Voici les meilleurs moments d'Assemblage Requis pour la semaine du 17 décembre 2012. François, il vient de retour. De retour! Enfin. Ça va, François? Pour la dernière semaine, je me suis dit que je ne peux pas laisser Mathieu prendre tout seul comme ça. Ma blonde, elle a eu... Elle a accouché. OK. Elle a accouché dimanche. Paf! Fait que, écoute, c'est arrivé. Il faisait 8 livres et une, ce qui est quand même un bon bébé. Ouais, ben c'est comme l'équivalent de 8 livres de beurre. 8 livres de beurre, exactement. Sauf que 8 livres de beurre vivant. Ah oui, wow, du beurre vivant. On souhaite tout ça. Et puis, écoute, non, ça a super bien été pour vrai. Super bon bébé. Comment il s'appelle, le bon bébé? Lucas. Ah, oh, c'est cute. Et ton premier s'appelait Charles-Olivier. Parti de bonheur hein, ce matin. Surtout, écoute, c'est la dernière journée des étudiants à l'université. Oui. C'est la grande finale et les gens ont des examens. C'est ça, dernière journée d'examen. Donc, parti de bonheur. Essayez de ne pas vous stresser avec, avec la température. Ben comme ils disent, hein, partez de bonheur pour faire le party de bonheur. Hein? Ouais. Non? Ils disent pas ça? Ben, je sais pas s'ils disent ça. Moi, je trouve c'est une belle phrase. Je m'en servirai. Peut-être. Comme un slogan. Ah, la guitare est douce. Comme toi, t'es doux, man. Est-ce que t'as touché à mon avant-bras? Non, non, je veux pas toucher à ton avant-bras. Un des cas qui illustre le mieux le délire de justice criminelle américaine, quelqu'un de la région, je crois que c'est de Miami, qui importait des homards et qui, plutôt que de les mettre dans des sacs transparents, les a mis dans des boîtes de carton. Et il y a eu une perquisition, on croyait que c'était un braconnier. Et cette personne-là était condamnée à 8 ans de prison. 8 ans pour des homards? Je sais pas si le gars, il y a des remords. En tout cas, il y a eu le temps d'y penser. Il s'est fait pincer. Ouais, moi, il pince. Oui, je te jure. C'est un verre en Pepperman. Tu verses ton alcool, tu le bois, et après ça, tu peux licher puis manger ton verre. Comme les Fun Dip. Oui. Ça, ton bâton après. Comme les Fun Dip. Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de Fun Dip. C'est vrai? Ah, ça fait vraiment longtemps. Moi, un ou 6 mois. À peu près. Tu me fais rire. Un Fun Dip, une fois 6 mois. Oh. D'accord. Pas toi? Non. Ah. Je m'étais retenu jusque-là. Va t'acheter un Fun Dip, là. On s'en reparlera après. Ah, parfait. Est-ce que tu me payes un Fun Dip après l'émission? Non. Non, t'es donc mère à Bajois. Hey, il n'y en a pas ici. Puis je ne sortirai pas à affronter la tempête, voyons. Oh, boy. Moi, je serais prêt à faire Nebaragua pour toi. Vas-y. Nebaragua. Vas-y, je vais te le payer si tu vas à pied. J'y repense. Vas-y. OK. Hey, Fun Dip, tout le monde. Aujourd'hui, tu y vas-tu? Je sais pas. Mais passez une journée Fun Dip. C'est ça, tu y vas pas. Chicken. Tarlat, chicken. Non, je veux pas du tarlat. Je pourrais y aller. Si tu me laisses la chance d'y aller, c'est la job. Je pourrais y aller. Non. Je peux plus m'entendre depuis le début de la semaine, on ne vous apprendra rien. Non. François, on dirait que tu t'es fait craquer le dos, mais c'est ton écouteur. Hein. Ça fait comme... Ça sonnait, ouais, ça sonnait. C'était bien plaisant, je l'entendais d'ici à comme 2 mètres. C'est des merveilleux écouteurs. Hein, Fais-nous craquer ça. Qui fonctionnent très bien. Attends pas ça. Au retour, on aura d'autres moments cocasses, ou ce que j'appelle maintenant dorénavant le nouveau terme, les mocasses. Des mocassins. Cocasses. Ben, c'est comme le cousin des mocassins. Ouais. C'est pour ça sur tes pieds, des moments cocasses, puis bien confortable. C'est chaud avec mon œil de lynx. Kinky Sexy Time, comme toujours. On va avoir du plaisir, on va étirer la sauce. À souhait. La sauce est un euphémisme pour un liquide qui sort de... Hein? Comment? Non. Quoi? Hein? Pense à d'autres choses. Oui, OK. Ouais. On commence l'émission avec Kettling. Voici Black Party. Assemblage choc. Essayez d'enlever cette image de votre tête. J'adore Ariel. Pas vous? Vous oui, en foutez, oui. Hein? Vous foutez d'Ariel. Hein? Non, on la sent bien, ta chanson. Attends, tu fous Marielle? Tu fous de Marielle? Non. Ben. Les autres polaires sont gauchers. Moi, j'aurais cru qu'il aurait été ambidextre. Ouais, aussi. C'est ce que j'aurais pensé aussi. Ça a pas l'air à ça? Ah, pas l'air. Une joke d'ours. Moi, je l'aime bien. Merci, Steph. Great whale. Bref, une sorte de baleine. C'est l'espèce avec le plus long pénis. Jusqu'à 10 pieds de long. 10 pieds, il est quand même. Fait que c'est plus le fun de se faire « Hey, t'as mangé comme une baleine » au lieu d'un étalon. Hein? Se faire manger comme une baleine, c'est ça que t'as dit? Non. On dirait qu'on part à la chasse aux baleines. Tu fous ça? Ah, c'est une baleine. Non, c'est juste son pénis. Ouais, mais là, c'est... Mais là, c'est un terme médical, j'ai le droit. Johnny Depp, j'aimerais ça qu'il y ait un... Un rapport, c'est ça. Il est libre maintenant, c'est ça? Il est libre, hein? Ouais. Il doit pas rester libre longtemps. Pense pas, non. Johnny Depp, d'après moi, il y a une file d'attente. Ben, c'est comme au Johnny Depp, quand, au coin de la rue, le dépanneur. Ouais, t'as plein de madame qui t'attendent là. Non, mais si t'as un dépanneur à ouvrir, mettons, t'as passé le Johnny Depp, là, clairement. Tu reviens en janvier avec une deuxième chronique. Tu désapprouvé? Non, on approuve. On approuve et on seconde et on entérine. Entérine de bison. Hein? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Entériner? Entérine de bison, une terrine de bison. OK, terrine de bison. Des petits non, mais j'étais comme plus sûr là, de son jeu de mots. Là. Ça, c'est ce qui termine l'édition d'automne. Pas mal, l'assemblage. 2012! L'assemblage réussi. Bye. Bonne fin de semaine. Bye. Pas à lundi. Lundi, à Assemblage requis. Oh, qu'on est bien en vacances. Ouais. Ouais, ben, prends un bol de céréales. Pis des gaufres. Oh non, il est midi, moi dîner. C'était c'était les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 17 décembre 2012, dernière de la session d'automne et de l'année 2012 au complet. N'oubliez pas les deux émissions spéciales les 26, 27 décembre, 2 et 3 janvier de 7h à 9h. Deux émissions spéciales qui vont jouer en back-to-back, style deux jours de suite. T'as Duluth Carignan et associé avec Sébastien Duluth, Alexandre Carignan et des invités spéciaux. Et d'une foulée à l'autre, avec les chroniques sur la culture sportive de Maxime Bilodeau. Donc, 26-27 décembre, 2-3 janvier, 7 à 9h. Beaucoup de chefs en même temps, hein? C'est demain. C'est dans la case normale, c'est le mercredi puis le jeudi, parce que lundi puis mardi, c'est Noël. Bon. Toujours à C'est fou en 2012, la compilation des pièces les plus appréciées des auditeurs et des animateurs de C'est fou, on était rendu aux positions numéro 14 et 13. On va voir plus tard dans le bloc Marie-Pierre Arthur ainsi que The Mars Volta. On va commencer par contre avec Fanny Bloom en 14e place. Elle a passé deux semaines au numéro 1, les semaines du 12 et du 19 mars sur l'album Apprenti Carrière. Donc Fanny Bloom, parfait, parfait. C'est fou. 89 FM. numéro 14. Yeah. Marie-Pierre Arthur et Phil de Soie en 13e francophone. Ça a duré 8 semaines et ça a été numéro 1 la semaine du 12 mars et du 13 et du 20 février. Voilà. On a sauté par-dessus Foxy Shazam et I Like It en 13e anglophone, numéro 1 la semaine du 28 juin. Et on a entendu au début du bloc en 14e The Mars Volta et La Pochka et Fanny Bloom avec Parfait Parfait qui a été numéro 1 les semaines du 12 et du 19 mars. Voilà pour la première heure de cette édition qu'on appelle C'était Fou en 2012, présentée par Les Palmarès C'est Fou, bien évidemment, notre compilation de l'année au grand complet. Reste avec nous parce que tout à l'heure, Alexandra Carignan sera avec nous pour animer le reste de l'émission et on a les meilleurs moments d'assemblage requis pour l'année 2012 au grand complet. Incroyable. C'était fou. Reste là. C'est fou pour l'écouter. C'est fou 89A. Bon, donc vous êtes toujours à C'était Fou en 2012, la récapitulation des meilleures pièces de l'année selon les animateurs et les auditeurs de C'est Fou. Et moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Alexandra Carignan. Alexandra Carignan qui vient d'arriver. Waouh! Eh oui! T'arrives juste à temps pour pas être dans la période super awkward. On doit virer 3-4 pages pour trouver qu'est-ce qui concorde d'imposition. C'était totalement voulu. Ah, ben voilà. On est rendu aux positions numéro 12 tout de suite. On va l'entendre du côté anglophone. Wilco avec Dawn on Me qui a été 9 semaines sur le palmarès et qui a atteint seulement le numéro 7. C'était la semaine du 30 janvier. Mais tout d'abord, on va aller écouter un de mes coups de cœur qui est Funambule avec leur album Alice. Ils vont interpréter Tel un naufrage qui est au numéro 12. Elle a été 9 semaines sur le palmarès. Malheureusement, il n'a atteint que la 8e position, bizarre. Mais je les aime pareil. Ça dure longtemps, mais ça n'atteint pas le sommet. C'est. Mais ils ont atteint le sommet dans mon cœur. Ah! Fun, fun, fun! Fun, fun, fun! Écoutez, c'était fou en 2012. numéro 12. I've been young, I've been old, I've been hurt and consoled. Heart of cold, heart of gold, so I've told. I've been lost, I've been found, I've been taken by the sound. Fuck off. 11. At first a sharpish pain that returns as a thought, that the needle in your skin will bring you closer to God. And I watch as your hand turns full circle. I'm hopeless with no coffee and a medical text. It's too easy knowing nothing, blowing off the rest. And the riddles and the pages leave it too much to guess. And the worry cracks and fracture from your hip to your chest. As I watch your hand turns full circle. C'était Full Circle de Half Moon Run, position numéro 11 de l'année au complet. Ça a atteint le numéro 2 la semaine du 23 avril et ça a duré 9 semaines. Et juste avant, on a entendu La Descente du Coude avec Instinct Domestique au numéro 11. Ils ont été au palmarès 9 semaines et ont réussi à atteindre la 6e position. Pas mal. Pas mal. Avant ça, en 12e place, Wilco avec Dawned on Me, qui s'est rendu seulement à la 7e sur la bande de Whole Love. C'était numéro 7, donc la semaine du 30 janvier. Et on a débuté le tout avec Funambule et Tel un naufrage au numéro 12, francophone. Il a été là pendant 9 semaines aussi, mais n'a réussi qu'à atteindre que le numéro 8. Mm-hmm. On a franchi la moitié de nos palmarès de l'année 2012 et on est rendu aux positions numéro 10. Tout à l'heure, il y aura Nans and Nat avec Huntington. Mais tout d'abord, Benoît Rochelot avec Vient-en, numéro 10, qui a d'ailleurs atteint la position numéro 2. Oh. Est-ce que tu étais là à cette époque-là, Vient-en? Non. Non, c'était pas toi. Je mélange les filles du palmarès. C'est avec une autre co-animatrice, on avait un running gag là-dessus. Vient-en, on s'en va au parc. Là, on s'en va au parc. Non? Non. Ben, il va le dire. En tout cas. Je suis pas aussi facile. Oh, burn! Pas vrai, c'est pas vrai. Jasmine Sorvée dans sa tombe. Pas vrai. Elle est pas morte. Parce qu'elle est morte. Prends ton sac, on s'en va au parc. J'ai la couverte, puis mon carnet. Prends une bouteille, puis une pomme chaque. Viens-t'en, on s'en va au parc. Tu viendras me rejoindre au parc. ma Malaki et puis mon Kodak. Ouais, viens-t'en. J'suis capable d'avoir ça de la porte. J'suis capable de sentir mon vieux souffrant. Viens-t'en, on s'en va. J'suis capable de l'air malsain. Viens-t'en, on s'en va, ce qui fait la forêt. Viens-t'en, on s'en va, ce qui fait la forêt. Numéro 10. Going back, I'm running from the sun. Bullets at my heels, the devil's got a gun. I'm never going back. jealousies to make her father proud. Lovers wrapped up in cellophane. The bitter fruit is falling from its prey. I'm never going back. I'm running from the sun. Bullets up my heels. The devil's got a gun. I'm never going home. I'll be the only one with daylight on my tail. And heaven on the ground. I know not what I see. I'm a stranger. Looking back at me. When the company of sisters is just like any mystery to me. Hold me, I know not why. If I'm a woman, you're a creature, not a man. The eyes of a lover, they look like any other to me. Bottom of the deep. I'm never going back. I'm running from the sun. Bullets at my heels. The devil's got a gun. I'm never going home. I'll be the only one with daylight on my tail. And heaven on the run. Daylight on my tail. And heaven on the run. Devil's Got a Gun de White Horse, position numéro 9. Ça a duré 9 semaines et ça a été numéro 1 la semaine du 4 novembre 2012. Et on a passé juste par-dessus Trio et Greenwashing, qui était au numéro 9 francophone, qui était là 9 semaines et qui a atteint le numéro 1. En 10e place avant ça, c'était Nans & Nat Huntington, a été là 9 semaines. Ça a atteint le numéro 2 seulement en décembre 2011, ainsi que la première semaine du mois de janvier. C'était celle du 9, finalement, janvier 2012. Et on a débuté le tout avec Benoît Rochelot et Vient-en, qui était au numéro 10 francophone, qui a été là 9 semaines aussi et qui s'est rendu jusqu'au numéro 2. Ben, c'est-tu pas merveilleux, ça, pour eux autres, non? C'est-tu pas merveilleux? Ben oui. On va être rendu aux 8e places et juste après les 8e places, on va faire les instants classiques de l'année 2012. Et cette fois-ci, on a divisé ça en deux parties. On a la session d'hiver, c'est janvier à avril. Et puis plus tard, on aura septembre à novembre 2012. OK. C'est cool, ça, quand même. Donc, on le fait ça tantôt. Double d'instant classique. Double stuff. Double crap. Et donc, 8e position anglophone, ce sera nos amis de Cat Empire avec Waiting. Mais tout d'abord, on va aller écouter les Breastfeeders avec Ce ne sera pas un jour comme les autres. 8e position, 9 semaines au palmarès et ça l'a atteint le numéro 1. Vous écoutez un condensé, une compresse d'eau chaude des meilleures chansons de l'année 2012. Une compresse okay, d'eau oui. chaude. Tu mets ça sur le bedon, puis... Ça fait du bien, ça. We'll be right back.

Dans le sens que, tu sais, dans le sens, tu vois ce que je veux dire? Oui. Non, pas tout. Okay. Bon, on va dire que... Donc, c'est les meilleurs moments du mois de janvier à avril 2012. Fait qu'il en reste encore le double. Ouais, ben, pas le double, mais je veux dire... Un petit peu plus long, mais à peine, non, c'est ça. Ouais, un autre bloc de septembre, octobre et novembre. Oh, chenounou. Et chenounou. J'ai pas mis le mois de décembre, c'est trop récent. Faut que ce soit des vintage, tu sais, old school edition, you know? Old school edition. You know? D'après moi, on va avoir beaucoup de différents là-dedans. Peut-être, hein? Peut-être. Donc, on est rendu au 7e place dans ce décompte C'était fou en 2012, où on vous présente, évidemment, les pièces les plus appréciées des animateurs et des auditeurs de C'est fou. En 7e anglophone, ce sera Zoo, c'est Anything You Want, Dear. Mais tout d'abord, un bon classique au palmarès, ce sera le groupe Mauve, qui est en 7e place. Il a été là 9 semaines. Il a atteint le numéro 1 et on va aller l'entendre avec Annie Hall. Ah, c'est fou, dans vos oreilles. Let it slip. You'll be just still. slow, but I'm all ears, and so you gotta let me know. If you're underwater, send a message in the bubbles. Dear par Zeus, position numéro 7, ça a été là pendant 9 semaines et ça atteint numéro 1 la semaine du 17 septembre. Et juste avant, on a entendu Mauve avec Annie Hall, le numéro 7 francophone. Ça a été là pendant 9 semaines et ça a atteint le numéro 1 quand même. C'est tellement bon, Mauve, pour vrai. C'est vraiment très, très bon. On est rendu au 6e place maintenant en anglo. C'est Dutch 16 et Time to Reiterate. Ça a été là pendant 9 semaines, numéro 1 la semaine du 9 janvier 2012. Mais tout d'abord, on va aller voir le charmant. On va l'entendre. Hein? On peut le voir dans notre tête, le charmant Marc Derry avec l'Astroblème, qui est au numéro 6, a été aussi là 9 semaines et a aussi atteint le numéro 1. Mm-hmm. Et ça, ben moi, c'est tellement bon. Hein. Ça me donne le tournis. Okay. OK, on la comprend? Ouais. Regardez-moi ce ciel. On n'a rien vu de si beau depuis facilement l'année zéro. Encore belle, encore pleine de gouttes d'eau. Il ne nous manque rien, y a tout ce qu'il faut. Des bons sentiments dans le cœur de tous les hommes, ne serait-ce qu'une fraction de seconde quand ils dorment. Il y a un nouveau soleil, une autre constellation, il y a plein de nouvelles idées qui s'éveillent. 6. Dutch 16 avec Time to Reiterate. Numéro 6 a été numéro 1 la semaine du 9 janvier 2012. C'était là 9 semaines. Et juste avant, on a entendu Marc Derry avec l'Astroblème au numéro 6 francophone. Il a été 9 semaines au palmarès et s'est rendu jusqu'au numéro 1. Mm-hmm. Évidemment, mon enfin, c'était enfin. Le bout de la fin était redondant, mais la pièce, je l'aime. Ben oui, on le sait. Au retour, East Road, Foxy Shazam, Le Grand Nord, David Giguère, Dumas Tremblay, Salomé Leclerc, Metric, Patrick Watson, Astra. D'autres affaires? Moi, je resterais là si j'étais vous. Mais je vais regarder si j'ai d'autres choses. Puis, c'était fou en 2012. Ha ha. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Vous écoutez toujours C'était fou en 2012, la rétrospective de l'année au grand complet, en long, en large, en diagonale, 16.9 HD, High Definition, 1080p. Tout ça en même temps. Tout ça! On a tellement de bonne musique aujourd'hui. Oui, franchement, moi, j'aime ça. Bon. J'ai pas de commentaires pertinents. Hein. Non, ben, j'aime ça, c'est bien en masse. Hein. Je suis bien satisfaite du ratio musical que nous écoutons aujourd'hui. Bon, on parle pas bobin. Cette semaine, on parle pas bobin partout. C'est pas grave, en même temps, écoute, on laisse nos mélodiques voix se faire remplacer par de la mélodique musique. Ben oui, puis on parle tout le temps, sinon, quand c'est pas cette émission-là. Voyons, non, puis ah, c'est ça, là, pas de chroniqueur, on a tout dit. Laissez faire vos chroniques, là, c'est la fin de l'année, là, va-t'en en vacances. Ça suffit, là, bon. Donc, position numéro 5, plus tard, on entendra East Road et A Long Way to Go. Mais tout d'abord, le Grand Nord avec Fille de Feu, numéro 5, 9 semaines au palmarès, et ça s'est rendu jusqu'au numéro 1, Fille de Feu. Tout de suite, c'était fou en 2012. De croire que tu tiens encore debout, à part la peur de sortir, à part les nuits s'endormir, la fille de feu t'a brûlé le cœur. Tu t'en veux, mais tu t'en remets. Pas la peine de compter les heures. Tu t'en veux, mais tu t'en remets. De tomber de haut te prend encore, et si l'envie d'avoir mal te monte à la tête, la fille de feu brûlera ton cœur. La fille de feu t'a brûlé le cœur. Tu t'en veux, mais tu t'en remets. Cinq. spring or the fire is a sweet song to my ears. Just like a lullaby when I go to sleep. When the light of day turns into darkness, I sit by the fire and give my mind a rest. Give my mind rest. Yellow flames dancing through the evening, casting shadows on the wall. I see the little voice in my head, trying to keep me here. Still a long way to go. And goals of my life, keeping my dreams for tomorrow. It is slowly dying, slowly dying. Great cloud, the sun always shines. I've 30 years, long black night. Morning is still alive. When the light of day turns into darkness, I see by the fire. Give my mind a rest. Still a long way to go. To reach the goals of my life. Keeping my dreams for tomorrow. It is slowly dying. Still a long. Tomorrow, it is slowly dying. Crackling out of fire, sweet song. Eastroad et A Long Way To Go. Ça a duré 9 semaines. C'est en 5e place de l'année. Ça a été numéro 1 la semaine du 5 mars. Et juste avant, on a entendu le Grand Nord avec Fille de Feu, numéro 5 francophone. Ça a été là pendant 9 semaines et ça a atteint le numéro 1. Mm-hmm. Hey, les choses avancent tellement vite. On est déjà rendu aux positions 4. Croyez-le ou non, Foxy Shazam est en anglo avec Holy Touch, qui était numéro 1 la semaine du 9 avril. Mais tout d'abord, le beau David Duguerre avec Encore au numéro 4. 9 semaines, première place. Il est tout dépeigné, ça n'est pas cher. Il est beau de même, c'est un petit look de rebelle. Gars, là, t'as Dirty Dirty. Hein? On l'aime de même. C'est ça. Hey, c'était fou en 2012, It Was Crazy. 2012! Elle est née entre l'été et l'automne. Prison de mœurs et des amours, téléphone. Et puis elle joue et puis me déjoue. Et à son jeu j'ai tout perdu. Mais moi je m'en fous car sous sa robe se cache une issue.

Fou 89 ans. Numéro 3. Australia The Choke, position numéro 3 anglophone pour l'année 2012. Ça a été numéro 1 la semaine du 6 et du 13 février. Et juste avant d'entendre l'heure et l'endroit de Dumas, qui a été 10 semaines au palmarès et qui a atteint seulement le numéro 11. Il doit être content qu'on le joue parce qu'on l'a sauté souvent quand il était sur le palmarès. Ah, oh, c'est plate, mais il était là longtemps. Il était là pas mal longtemps. Hein? Oui. Il me semble, c'est ça que t'as dit? Oui, oui, 10. Hey, c'est long. C'est long. C'est long? Ça, c'est 2 mois et demi. Oui. Moi, je calcule vite de même. C'est vrai, t'es pas mal meilleur. Je m'améliore. T'as pas mal tout. Prochain numéro 2, du côté anglophone, Patrick Watson sur l'album Adventures in Your Own Backyard. Ce sera Into Giants qui a passé 10 semaines sur l'album. Mais juste avant, ce sera la douce Salomé Leclerc avec Ne reviens pas au numéro 2, qui a été 11 semaines sur le palmarès et qui a été au numéro 1.

Une des chansons de l'été, Into Giants, de Patrick Watson, numéro 2 de l'année. Ça a duré 10 semaines, c'était numéro 1 au mois de juillet, la semaine du 23. Et juste avant, on a entendu Salomé Leclerc avec Ne reviens pas, au numéro 2 francophone, qui a été là pendant 11 semaines au palmarès et qui a atteint le numéro 1. Ben, Colin, il nous reste seulement les positions numéro 1. Oh là là là là! De l'année au grand complet, là, on niaise pas avec, les affaires avec lesquelles tu niaises d'habitude, là. Comme, mettons, je sais pas, des gadgets ou des cossins, des gugus, des jouets pour enfants, là, qui seraient faits, mettons, d'une certaine matière ou d'un matériau comme, au hasard, le plastique. Tu veux dire? Genre. Ouais, moi, je sais Voyons, c'est qui m'en avait parlé, donc? Quelqu'un qui s'appelle. Comment elle s'appelle? Je me rappelle pas. Marie Plastique, son nom, je pense. C'est ça. Ah, c'est à en trembler de plaisir, tous ces jeux de mots-là. Ah, ça va. Ça va faire. Sinon, ça, c'était pour le francophone ici, pour les jeux de mots. Côté anglophone, je te dirais que, tu sais, cette pièce-là, Caroline, j'ai l'impression qu'on l'entend depuis 6 ans. Tu sais, les pièces de Mathieu Cousteau qu'elle commence à jouer. Tu te dis, Colin, mais elles sont vraiment, vraiment là depuis longtemps. Je les ai déjà en tête, c'est des vers d'oreille, mais non, elles sont super jeunes. Mais elles n'ont pas l'air jeunes, youth. Without youth. T'as peint? Ouais, j'ai même eu celui du Franco. Ouais, mais c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui choisis numéro 1 non plus. Bon, en fait, c'est, par la bande, c'est un peu moi qui choisis numéro 1 parce que si j'ai fait jouer, ça devient numéro 1. Non, c'est ça. C'est un peu ça que ça. C'est un peu, comment dire, par moment, synthétique. Le palmarès, c'est une Teleka. Hein? Ouais. Ah, j'en ai des blagues, là, elles sont longues de même, là, un mètre. Metric. Ah, c'est moyen, mais c'est comme ça. L'effort est là. Ben, là. Donc, en anglophone, c'est Metric, vous l'aurez compris, avec Youth Without Youth, qui a passé 10 semaines sur le palmarès. Elle a été numéro 1 la semaine du 17 septembre, du 24 septembre et du 1er Rocktober. Et du côté francophone, ce qu'on va aller entendre, c'est Tremblay, Marie Plastique, qui n'est pas... ça fait pas trop longtemps qu'il est parti, mais on l'aime donc bien. Il a été là 11 semaines et il a été au numéro 1 de nombreuses fois. Persécution! C'est ce que Manolo disait. Ouais. Ah, je pensais que j'allais réussir à dire une fois, à pas dire Manolo une fois en présentant ma... Conan. Échec total, épic fail. Échec. L'écouté, c'était fou en 2012. Les yeux des autres. Des filles comme ça, y en a toutes les sortes. Des beautés gâchées sur Photoshop. Qu'est-ce que tu prouves, à qui tu veux le prouver? Est-ce que tu trouves ou tu fais rien que chercher? Marie Plastique. Ton fer plat, tu travailles trop pour plaire. Moi t'as l'air plate, laisse donc tes cheveux se défaire. Marie t'es belle, pose ton sourire avant que ton visage se déchire. Marie Plastique. Marie Plastique. Sentons ça te voit bien les seins gênés derrière. Mon t-shirt sali fini du temps que j'habitais chez ma mère. Tu peux rester tranquille, as-tu vu de quoi te l'air? Marie Plastique. Je m'en fous que tu habillé en Chanel, en Versace, Gucci, Jean-Paul Gaultier. Tu vaux bien plus que de la ficelle. Marie Plastique. Enlève sans don, ça te voit bien les seins. jamais gêné derrière. Mon t-shirt sali fini du temps que j'habitais chez ma mère. Tu veux rester tranquille, tu veux de quoi te l'air. Et en première position. Hangman, we played rubber soul with the rain. C'était les numéros 1 de l'année 2012 au grand complet. On va faire un petit récapitulatif. Je pense que ça vaudrait la peine, Alex. Qu'est-ce que t'en penses? Ça serait une bonne idée. Du côté, est-ce que tu veux faire le francophone ou l'anglophone? Je vais faire le franco. D'accord. Ben, vas-y donc. Alors, on va faire un petit top 5? Ouais. Au numéro 5, francophone, on avait Fille de feu avec le Grand Nord qui était là 9 semaines au numéro 1. Pas 9 semaines au numéro 1, mais 9 semaines slash... En tout. Il a été numéro 1. Au numéro 4, on a eu David Duguerre avec encore 9 semaines. Encore. Et au numéro 1. Encore, n'arrête pas. Au numéro 3, on avait Dumas et l'heure et l'endroit qui a été là 10 semaines, mais qui n'a réussi qu'à atteindre que le numéro 11. Au numéro 2, on avait Salomé Leclerc et ne revient pas, qui a été là 11 semaines, mais qui a réussi à atteindre le numéro 1. Tout comme le numéro 1 qui était Tremblay et Marie Plastique. Ça fait beaucoup de numéros. Ben oui. En anglophone maintenant, la cinquième, c'est Eastroad avec A Long Way to Go qui a été numéro 1 en mars, ça a duré 9 semaines. En quatrième, Holy Touch de Foxy Shazam, 9 semaines, numéro 1 en avril. En troisième, The Choke de Hush Trust sur leur album Feel It Break. En deuxième, c'est Patrick Watson avec Into Giants qui a duré 10 semaines, qui a atterri au numéro 1 au mois de juillet. Et en première, c'est Metric qu'on vient d'entendre avec Youth Without Youth qui a duré 10 semaines et qui a été numéro 1 pendant 3 semaines en septembre et octobre 2012. Voilà pour le palmarès de l'année, c'était beau! Et voilà! Manquez pas notre autre émission, C'était fou en 2012, Les Restants, qui est diffusée un petit peu partout pendant les fêtes. Là-dedans, il y a les positions 25 à 21 et ce qu'on a sauté dans cette édition de C'était fou en 2012. Donc, creusez dans la grille horaire, un peu partout, avant, après. Un peu partout, partout. Pendant. C'était fou en 2012, on la joue par-dessus, c'est vraiment le fun. Ouais, c'est chaotique, mais efficace. C'est fou, hein? Chaotique, mais efficace. Tout est bon pour trouver des slogans pour C'est fou, tu sais. Chaotique, mais efficace. Hein? Les extrêmes, ça nous anime. C'est toi aussi. J'aime beaucoup chaotique, mais efficace. Mais ça, on va dire ça à Danny Janvier, le gars des pubs. Bon, donc voilà pour C'était fou en 2012. Allez voir le CIF.ca pour l'horaire des fêtes, évidemment. On va se retrouver en janvier avec une toute nouvelle saison des palmarès C'est fou. Alexandra, tu vas être là, toi? Oui, je vais être là. Good. Manquez pas non plus les émissions spéciales d'Assemblage requis du Lune Carignan et Associés. Oui. Ainsi que d'une foulée à l'autre, les 26 et 27 décembre et les 2 et 3 janvier de 7h à 9h. Jusque la deuxième fois, c'est comme allons voir. Pour que ça paraît. Au revoir. Ouais. On se quitte avec une pièce qu'on a sautée au début de notre programme. Mais qu'on aime beaucoup. Tellement. C'est la position numéro 16 francophone. Et oui, ça va être Peter avec Les Chemins étoilés. Merci Alexandra. Et merci à toi Mathieu. Merci à vous les petits palmiers à la maison. Merci à Justine Renaud. Merci à DJ Catardi, David Ferron, tous ceux qui ont participé à l'émission. Et bye. Voilà. Bye. Nous nageons dans la pluie.